et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah en qui vous avez foi.